cours numéro 8. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Fa'akhadna fi d-dars al-sabiq wa lillahi alhamd al-asl al-khamis wa huwa ma'rifatu al-awliya wa التفريق بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله المنافقين والفجار فما هو الولي عندك الذين آمنوا وكانوا يتقون كما قال الله عز وجل فلا بد من إيمان وتقوى هذا هو الولي لله سبحانه وتعالى أي celui qui applique le tawhid et qui suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est quoi notre comportement qu'on doit avoir avec le wali? Al wali lillahi azza wa jal. Bil arabiya. Labud yuhibbuna. Nuhibbuhum. Naam. Labud an nuhibbahum fillahi azza wa jal. Wa nansurahum. Kadhalik. Ah, naam, la yajouz al-ghulu fihim. On n'a pas le droit d'exagérer. Ah, il les élever au-dessus de leur place. Que ba'd al-zanadiqa, nahum, ils prétendent al-awliya, ils ont atteint un rang que les prophètes, alayhim salatu salam, et les anges, ils n'ont pas atteint. Hada kufrun wa zandaqa. Kadalik. Ida akhta'u fi shay, fa la yajouz ittiba'uhum. On n'a pas le droit de les suivre s'ils se trompent. On a la conviction, il n'est pas ma'asou, il n'est pas infaillible. Il peut faire des erreurs, il peut se tromper, il peut faire un péché, il peut oublier. Contrairement au Nabi, il est ma'asou. Allah subhanahu wa ta'ala, il leur révèle. La révélation, ils sont ma'asou. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de suivre que l'anbiya. Ati'u Allah wa ati'u Rasul. Hada c'est al-mawqif As-Sunni avec Al-Awliya. Et bien sûr, les savants, ils rentrent dans les Awliya. C'est pour ça qu'on avait détaillé le comportement à avoir avec les savants. Et Cheikh Ibn Uthaymin, il a cité la parole de Cheikh Al-Islam Al-Taymiyya, les Mufida Nafi'a, et on l'avait lu, Walillahi Alhamd. Et aujourd'hui, Naqra, le dernier Asl, ou Sadis, Qala Cheikh Al-Islam, Rahimahullahu Ta'ala, Al-Asl Sadis. رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة. Sixième point, et il est مهم. Cheikh Al-Islam, il répond à la shubha, l'ambiguïté que Shaitan il a propagé, أنه s'est permis de délaisser le Coran ou la Sunna pour suivre certains avis, pour suivre les passions, والعياذ بالله. قال شيخ الإسلام وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق. C'est ça la shubha. Pourquoi on n'est pas obligé de suivre le Coran ou la Sunna? لأنه c'est trop compliqué. C'est que pour le mujtahid al-mutlaq. Mujtahid al-mutlaq, c'est une catégorie de savants. Ils ont atteint un niveau. Vous allez voir que les conditions qu'ils ont données, comme ça y est, شيخ الإسلام, c'est des conditions impossibles. لكن الشيطان بهذه الشبهة qu'est-ce qu'il veut? Il veut écarter les gens min al-haq, min al-Qur'an wa sunnah. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas comprendre le Qur'an, tu ne peux pas comprendre le sunnah. Donc, suis un tel et lui, il va te t'expliquer. Et fait le haqiqa, s'il serait revenu au savant de la sunnah pour qu'il leur explique le Qur'an wa sunnah, tayyib. Lakin, al-shaytan, il veut les écarter du haq, faqat. Qala, وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر. Des conditions pour comprendre le Coran et la Sunna, Cheikh l'Islam, et يقول أن ces conditions, ربما tu les trouves pas. Elles sont pas remplies chez Abu Bakr et Umar. Et c'est des choses impossibles. C'est de l'exagération. Le but de Shaitan, c'est d'égarer les gens. فقط. قال فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه ومن طلب الهدى فيهما فهو إما زنديق وإما مجنون. بعض الناس عكوزة الشبهة ils ont pensé qu'on n'avait pas le droit de revenir au Coran et à la Sunna, il y en a, on n'a pas les capacités. Et celui qui revient, c'est un zindiq, c'est un majnoun. Les adli su'oubati fahmihima. Pourquoi les anna, c'est trop compliqué. Aïe, la compréhension des textes du Coran et de la Sunna, c'est trop compliqué. Qal shaykh al-islam fa subhanallah wa bihamdih. كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة ولكن أكثر الناس لا يعلمون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. شيخ الإسلام cite ce verset pour montrer أن بعض الناس والعياذ بالله s'égare. Et ils sont aveugles. Ils veulent plus écouter. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fa hiya ila al-athqan fa hum muqmahun wa ja'alna min bayna aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa yakhshaynahum fa hum la yubsirun. Il comprend plus, il voit plus. Limadha? Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il l'a égaré? Et Allah subhanahu wa ta'ala la yadhim ahad, c'est le hakim. Il l'a égaré, il y en a cette personne, elle veut pas le haq. Elle se détourne. Fa wala, si tu le montres, hatta al-Qur'an wa al-Sunnah, des choses évidentes qu'il faut les suivre, il arrive. Il ose dire à Nahou, il ne faut plus revenir au Coran et à la Sunna. Et si tu reviens, tu es un égaré. À cause d'une Shubha Hazila. Anna, le Coran et la Sunna, tu ne peux pas les comprendre. Min Ayn, d'où elle vient cette Shubha? La gravité de ne pas revenir au texte, de ne pas revenir aux gens de science. Anna, ils ont pris cette Shubha, min Iblis. Et ils se sont égarés. Qala Sheikh al-Islam, akhiruhu, walhamdulillahi rabbil alamin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. نعم فبهذا on a fini le matn. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قوله رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة إلى آخره. الاجتهاد لغة الشيخ ابن عثيمين va expliquer الاجتهاد. Parce que cette shubha, pour eux, la compréhension des textes, c'est que pour le mujtahid, al-mutlaq. Et ils ont cité des conditions, on a dit des conditions impossibles. Sur Mu'adhimin, il va te montrer c'est quoi l'ijtihad al-haqiqi. C'est quoi le vrai ijtihad. Et on va voir que c'est pas impossible. Là, celui qui fait des efforts fil ilm, Allah subhanahu wa ta'ala le waffaq, il est sincère, il est régulier fil ilm, et patient. Inch'Allah, fadlallah, il est wasi'. ثم شيخ العثيمين va montrer na, vu que c'est pas tout le monde qui va atteindre ce niveau d'ijtihad, al-ulama, t'auras une autre partie de la communauté, c'est pas des savants, c'est pas des mujtahidoun, ils auront un comportement à avoir. Tout ça pour répliquer à cette shubha, délaisser le Coran ou le Sunna mutlaqan dans tous les cas, wal'iyadu billah. Donc il commence par l'ijtihad. قال الاجتهاد لغة بدل الجهد لإدراك أمر شاق. C'est ça l'ijtihad. Et faire des efforts pour atteindre un objectif difficile à atteindre. Tajtahid, il y a un effort. Wastilahan badlu al-juhd li idrak hukm shar'i. Dans les salah, notre sujet, nous, dans ce livre de Tawhid, al-ijtihad, c'est faire des efforts pour comprendre un jugement shar'i, religieux. Et faire un effort pour déduire. Est-ce que c'est halal, est-ce que c'est haram, est-ce que c'est permis? Un effort avec les textes, avec certaines règles, et le savant il te dira, est-ce que c'est autorisé? Il y a des choses, c'est clair. Il y a des choses, c'est wadih. Il n'y a pas besoin d'ijtihad. Lakin, il y a des sujets, il y a besoin d'un effort pour comprendre. Ou al-ijtihad, lahu shurutun minha. Al-ijtihad, il a certaines conditions. Inda al-ulama. La première, an y'alam min al-adilla al-shar'iyya ma yahtaj ilayhi fi ijtihadihi. كآيات الأحكام وأحاديثها. Première condition, il doit avoir du ilm par rapport à l'adilla, connaître les preuves من القرآن ومن السنة. لماذا؟ لأن les preuves c'est la source. مثلا, est-ce que l'alcool c'est interdit? Il y a une preuve. Est-ce que ce vêtement il est interdit? On regarde est-ce qu'il y a une preuve. La source c'est les preuves. Qur'an ou Sunna. Donc le mujtahid, il doit avoir des connaissances par rapport aux preuves. Ça, c'est la première condition. Allez voir. Et les preuves, c'est le Qur'an et le Sunna sahih. Et bien sûr, l'unanimité des savants. Deuxième condition, أن يعرف ما يتعلق بصحة الحديث وضعفه كمعرفة الإسناد ورجاله وغير ذلك. Deuxième condition, أنه il doit avoir des connaissances sur le hadith. Pourquoi? لأن certains hadiths ils sont faibles. Et s'il n'a pas de connaissances sur l'ilm al-hadith, ربما il va donner une sentence, une fatwa, un avis qui est fondé sur un hadith faible. Donc l'avis sera faible. Ce qui est fondé sur un hadith faible, c'est faible. Donc l'alim, al-mujtahid, il doit avoir un niveau fi ilm al-hadith. Ce n'est pas tous les hadiths qui sont rapportés qui sont authentiques. Il y a des hadiths, c'est des mensonges, il y a des hadiths, ils sont très faibles, il y a des hadiths, ils sont faibles, il y a des hadiths, ils sont acceptés, il y a des hadiths, ils sont sahih, authentiques, il n'y a aucun doute. Qala, troisième condition, an ya'rif al-nasikh wal-mansukh. Et ça c'est important. Troisième condition, il doit connaître un nasikh ou un mansukh. Il y a des textes qui sont abrogés par un autre texte. S'il ne connaît pas ce mansukh, probablement il va citer une fatwa par rapport à un texte. Ce texte, ça fait partie de la révélation. Lakin, il a été abrogé. Et il y a plusieurs exemples. Vous les verrez, inshallah ta'ala, fi al-usul. Par exemple, al-mut'a. Al-mut'a, au départ, elle était autorisée. Thumma, al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, harramaha. Yawm khaybar, kama ja'a fi hadith Ali, radiyallahu anhu. Ceux qui prennent les premiers hadiths et délaissent le hadith qui est abrogé, ils vont faire une fatwa qui contredit l'avis du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est mort et il a interdit le mut'a. Kadhalik, connaître l'ijma', l'unanimité. Il y en a celui qui ne connaît pas l'unanimité dans certains sujets, Rubama, il va citer un qawl et il va contredire l'unanimité. Et contredire l'unanimité, c'est grave. لأن الله عز وجل يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. Donc celui qui suit autre que la voix des croyants, et ce sur quoi ils se sont rassemblés, il ouvre une porte d'égarement. والعياذ بالله. Donc, des efforts fi hada, connaître al-nasikh wal mansukh et connaître al-ijma'. Hatta si un ijma', on n'a pas le droit de khal. T'as compris ou t'as pas compris le dalil? C'est forcément le haqq. لأن الأمة لا تجتمع على الضلال كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. La communauté ne peut pas se rassembler sur une erreur. Si elle s'est rassemblée sur un point, c'est forcément haqq. Quatrième condition, أن يعرف من الأدلة ما يختلف به الحكم من تخصيص أو تقييد أو نحوه حتى لا يحكم بما يخالف ذلك. Connaître كذلك des hadiths qui ont été spécifiés par d'autres, ou un verset qui a été spécifié par un autre verset, ou un hadith qui a été spécifié par un autre. Il y en a, t'as des textes, des fois ils sont globales, ils englobent beaucoup de choses. ثم t'as un hadith qui spécifie. فمثلا الله سبحانه وتعالى il a interdit le maïta, la bête morte. Allah il l'a interdit. عز وجل حرمت عليكم الميتة. C'est global. T'as des hadiths, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous montre qu'Allah nous a autorisé certaines bêtes mortes. Parmi ces choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a autorisé, la bête morte qui se trouve dans l'océan, dans la mer. Un poisson mort, maintenant, t'as le droit de manger. Une bête morte là. Enfin, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a spécifié les versets. Allah, il a interdit les bêtes mortes, sauf ce qui se trouve dans la mer. Un poisson mort, maintenant, il est pêché, il est mort, on a le droit de le manger. مثلا واحد qui connaît pas ces ahkam, il va lire le verset حرمت عليكم الميتة. Une personne, elle peut lui demander un poisson mort, il va dire c'est haram. لأن الله il a dit حرمت عليكم الميتة. Et le poisson, il fait partie de la meïta. Il connaîtrait le hadith qui a spécifié la globalité, il aurait su répondre. Donc c'est une condition. Et beaucoup beaucoup d'erreurs, même par des nas qui s'avancent dans des choses qu'ils ne comprennent pas. Pourquoi? Parce que ce genre de conditions, elles ne sont pas maîtrisées. Alors il se précipite, il a un délil, il ne regarde pas les autres adillah, il ne connaît pas nasikh, mansukh, il ne connaît pas mutlaq, muqayyid, am, mutlaq, makhsous, il ne connaît pas tout ça. Donc, il parle, voilà où il pense qu'il s'appuie sur un délil, fil haqiqa, le délil, il n'est pas à sa place. Cinquième condition, an ya'rif min al-lugha wa usul al-fiqh ma yata'allaq bi dalalati al-alfad. كالعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين ونحو ذلك ليحكم بما تقتضيه تلك الدلالات. Il doit connaître la langue arabe. لماذا؟ لأن les textes sont en langue arabe. كم من الناس il lit un hadith ou une ayah à cause de sa faiblesse en arabe, il pense que le sens c'est telle chose, et في الحقيقة en langue arabe ça ne veut pas dire ça. Et à partir de ce point, tu comprendras la gravité de certaines traductions qui sont faites par des ignorants et traduit un texte en arabe. Imma, il a une mauvaise intention avec ses passions, il déforme. Kama huwa hal ba'd ahl al-dhalal, annahum ils déforment le Coran ou le Sunna avec des traductions. Annahum ils traduisent pas le texte comme il est, ou le sens là, par rapport aux passions, ils ne veulent pas froisser un tel ou un tel. Naam, ou ba'dhum c'est bijahl. Il traduit, il a une bonne intention, mais avec ignorance, il change un mot ou il ne comprend pas le mot. Dalalatul alfad. Il y en a la traduction mot à mot, souvent c'est une erreur. Mais souvent c'est une erreur. Il y en a la langue arabe, c'est pas compatible avec la langue française dans tout. Tu ne peux pas traduire mot à mot. L'arabe, il y a un sens par rapport à la formulation de la phrase. Tu es obligé de traduire le sens, pas mot à mot. Si tu traduis mot à mot, imma c'est incompréhensible, imma c'est une erreur. Donc les traducteurs, ils doivent avoir cette condition, connaître la langue arabe, connaître le sens, connaître dalalatul afad, al-aam, al-khas, etc. Hatta, ils traduisent avec un sens qui est proche. Même si ça ne sera jamais comme la langue arabe, mais au moins ça sera proche et il ne contredit pas le haqq. Sixième condition. An yakun indahu qudra yatamakkan biha min istinbat al-ahkam min adillatiha. Il doit avoir la capacité de comprendre les textes et de retirer un jugement de ce texte. Cette condition, elle englobe les conditions qui sont citées précédemment. Al-muhim, c'est pas tout le monde qui donne des fatawas, c'est pas tout le monde qui donne son avis fi din, c'est pas tout le monde qui polémique dans tous les sujets. Là, al-ulama, ils ont, walillahi alhamd, ses shurut, al-mujtahidun, ulama al-sunnah, donc on doit revenir à eux, khassatan dans les masa'il compliqués, dans les choses ambiguës. On doit revenir, les annahum, ils ont ces conditions que nous on n'a pas, et ils te donneront une réponse que toi tu ne peux pas avoir. Sans taqlid, bien sûr. C'est pour ça que Cheikh Ibn Uthaymeen, il va expliquer le taqlid. Qala, wa l'ijtihad yatajazza fa yakun fi babin wahid min abwab al-ilm, ou fi mas'ala min masa'ilihi, wa al-muhim an al-mujtahid yalzamuhu an yubdila juhdahu fi ma'rifati al-haq. Al-mujtahid doit faire des efforts, son but, c'est le haq. Ces outils que Cheikh Ibn Uthaymeen a cités, langue arabe, al-usul, ilm al-hadith, c'est des outils pour arriver à quoi? Au haq. Le but, ça doit être de rechercher le haq. Thumma yahkum bima yadhharu lah, fa in asaba falahu ajran. Ajra ala ijtihadihi, ajra ala isabatihi al-haq. Taqaddam ma'ana, dans la parole de Cheikh al-Islam, vous vous rappelez, il a cité al-awliya, il a cité al-ijtihad. Bien sûr, Cheikh al-Islam l'avait précisé, annahum, ils sont pardonnés et récompensés s'ils font partie d'Ahl al-Ijtihad, ils avaient une bonne intention et ils ont fait les efforts. C'est ce que Cheikh Ibn Uthaymeen il résume هنا. Amma l'ignorant qui se trompe. Hada fi al-haqiqa, il a parlé sans ilm. Il est rentré dans une chose qu'il ne maîtrise pas, il n'avait pas le droit de s'avancer. Hada, il est athim, comme on a déjà dit. Il doit faire tawbah et il doit rester à sa place. قال واجر على اصابه الحق لان في اصابه الحق اظهارا له وعملا به وان اخطا فله اجر واحد والخطا مغفور له. Donc si se trompe le mujtahid avec les conditions qu'on a citées, il a une récompense, une récompense pour avoir fait un effort. La deuxième récompense, il l'a pas. Pourquoi? Parce que il s'est trompé. Fal mujtahid qui a juste, il a deux récompenses, ijtihad et avoir eu juste raison. Celui qui se trompe, il a qu'une récompense. لقوله صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. الحديث تقدم معنا في الصحيحين, في صحيح البخاري وصحيح مسلم. وإن لم يظهر له الحكم وجب عليه التوقف. Si il n'arrive pas à trouver la réponse, c'est obligatoire de se taire. Il doit dire Allahu a'lam. لأن الله عز وجل يقول ولا تقف ما ليس لك به علم. Tu n'as pas le droit de t'avancer dans une mas'ala où tu n'as pas d'ilm. Tu ne sais pas, Allahu a'lam. Tu ne sais pas, Inch'Allah, on va faire des recherches. Tu ne sais pas, Inch'Allah, on va demander à Ahl al-ilm. C'est ça la solution. Mais s'avancer et se précipiter. Wahdar, هنا les sentiments. Anna Fulan, il veut absolument une réponse. Il est pressé. C'est super important. Et Anta, tu te donnes une responsabilité que tu n'as pas et tu lui réponds. S'il est pressé, c'est urgent et tu ne sais pas, فَلَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا. Tu ne sais pas, tu ne sais pas. Et lui, il fait les efforts et s'il ne sait pas, il ne sait pas. Il patiente. Amma ahyanan les sentiments. Anahu Fulan, il a demandé, c'est urgent, s'il n'a pas de réponse, il va faire telle chose. Si tu n'as pas de réponse, tu n'as pas de réponse. Tu ne peux pas mentir pour satisfaire les gens là. Et Allahu A'lam, c'est une réponse adhim. C'est une réponse nafia. Ça montre que cette personne à qui on a posé la réponse, elle a du ilm et de la taqwa. Léannahu, il ne s'avance pas. Ça prouve que quand il parle du ilm. Il peut se tromper dans la compréhension. Lakin, il a ce wara, ce khouf min Allah. Mais celui qui répond à tout, il s'avance à tout, alors qu'il ne sait pas. Ah là, ce n'est pas une personne de confiance. Et ça, c'est hal al-juhal. Amma al-ulama, walillahi al-hamd. Ils ont cette peur, cette crainte qui leur permet de répondre quand ils savent et ne pas répondre quand ils ne savent pas. Et ils ne sont pas à l'abri de l'erreur. Rahmatullahu alayhim wa hafidha al-ahya minhum. قال وإن لم يظهر له الحكم وجب عليه التوقف وجاز التقليد حينئذ للضرورة لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Dans ce cas-là, si c'est pas, Cheikh Ibn Uthaymeen يقول جاز له التقليد. C'est permis de faire du taqlid. Et il a cité comme preuve فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ففي الحقيقة, ce سؤال c'est من الاتباع. Cheikh Ibn Uthaymeen, il l'a appelé taqlid, هنا, لكن ne comprend pas minhu annahu c'est at-taqlid al-madmoum. Bel, في الحقيقة, c'est ce qu'on doit faire. Enfin, c'est pas un suivi aveugle. Là. C'est pour ça que Cheikh Ibn Uthaymeen il a cité le verset, fas'alu ahl al-dhikr in kuntum la ta'lamun. Il y en a, t'as plusieurs catégories, t'as plusieurs situations, plutôt. Imma tu sais, falhamdulillah, t'appliques, ou tu t'écartes si c'est un interdit. Imma tu sais pas. Si tu sais pas, tu reviens au salon. Et هذا, c'est ça le wajib alayk. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Maintenant, si tu sais pas, qu'est-ce que tu vas faire? T'as plus le choix. في هذا الحال, tu demandes. Et il reste un cas où, si tu peux pas demander, imma, une personne, elle connaît pas de savant, elle a pas les moyens pour les appeler, elle a pas la langue. Mouhim, elle peut pas. في هذا الحال, بإذن الله, elle est excusée. Amma, celui qui peut, il demande. C'est ça le wajib alayhi. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن التقليد بمنزلة أكل الميتة فإذا استطاع أن يستخرج الدليل بنفسه فلا يحل له التقليد. شيخ الإسلام il te montre أن التقليد أي suivre sans علم pas aveuglément. أما التقليد الأعمى فلا. التقليد الأعمى أي suivre aveuglément c'est مذموم على كل حال. Pourquoi? لأن même si le haq il lui parvient, il lui est montré, il le rejette. Hada c'est haram. Amma, si il ne sait pas, Cheikh l'Islam yaqul c'est bi manzilat akl al-mayta. C'est comme celui qui ne trouve plus de nourriture et il est fi daroura, mashaqqa, il craint pour sa vie et il trouve qu'une bête morte. Hada al-hal c'est permis. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas le choix. Fa hakadha at-taqlid pour celui qui n'a pas la capacité de demander, de savoir, de pouvoir déduire lui-même. ففي هذا الحال ماذا يفعل؟ Qu'est-ce qu'on va lui dire? هذا الحمد لله s'il revient et il suit un alim parmi ulama as-sunnah. Il y en a, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire là, je ne peux pas, je ne comprends pas, je ne peux pas appeler. On lui dit فقط شيخ بن باز قال ou شيخ الألباني قال. الحمد لله s'il prend et il suit. لكن sans s'entêter. Si un jour il arrive à comprendre ou le haq il lui parvient بدليل et il arrive à comprendre, ففي هذا الحال il est obligé de revenir au dalil. فسي le qawl qu'il avait pris, فالحقيقة il y a un autre qawl qui est sawab, qui est fondé sur un dalil, il est obligé de délaisser l'avis qu'il avait pris et revenir à la sunna. لكن فالحقيقة il y a des cas أن بعض الناس ils ont que ça, il ne peut pas appeler, il ne comprend pas les textes, certains ils n'ont pas la langue arabe, il est limité. ففي هذا الحال s'il revient au savant de la sunna, il les suit, alhamdulillah, il ne s'égarera pas. Même s'ils se trompent dans certains sujets, alhamdulillah, ulama as-sunna, ils appellent au haq wal-huda. Et ma'a hada, on conseille ce genre de personnes de faire des efforts. Peut-être qu'une chose, tu ne l'as pas comprise, tu n'as pas la capacité aujourd'hui, et demain ça change avec les efforts, avec le dua, avec les recherches. On ne se suffit pas de cette faiblesse. On se dit, on ne sait pas, enfin, je suis tel shir là. Et il y a des choses, c'est clair. Même si un shir il l'a dit, et si elle t'apparaît clairement, c'est un khata, délaisse-la, tu n'as pas le droit. وقال ابن القيم رحمه الله في النونية العلم قال العلم معرفة الهدى بدليل ما ذاك والتقليد يستويان العلم معرفة الهدى بدليل ما ذاك والتقليد يستويان donc العلم c'est connaître الهدى connaître la guidée avec sa preuve avec le dalil le Coran ou la Sunna et c'est incomparable avec le taqlid لا يستويان أي c'est incomparable والتقليد يكون في موضعين. الشيخ العثيمين الآن يفعل تفصيل. التقليد il est dans deux cas. الأول أن يكون المقلد عاميا لا يستطيع معرفة الحكم نفسه ففرضه التقليد لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. عامي il comprend pas les preuves, il connaît pas le Coran, il connaît pas le Sunna, il a pas la capacité, il connaît pas l'arabe littéraire, il connaît pas les règles. Beaucoup de عوام sont dans ce cas-là. فهذا il revient أهل العلم. لكن sans s'entêter. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ On précise, نَحْنُ أَنَّ son but c'est rechercher le haq. Son but c'est rechercher le haq. Si un proche lui montre أَنَّ cette fatwa elle est fausse et il lui montre avec des preuves que le haq c'est tel avis, il est obligé de revenir au haq. Lakin, هذا, il n'a pas la capacité de tout comprendre, de savoir quel avis est juste. Surtout, il y a des sujets comme la yakhfa, ils sont délicats. C'est très dur à savoir qui c'est qu'a raison tel ou tel savant. Enfin, ce ami, il fait ce qu'il peut. Il demande et il fait le dua et il prend le qawl qui est le plus proche du haq pour lui et il tawakkal à Allah. Aham Shay, il revient au savant de la sunnah, il ne revient pas aux égards. قال شيخ العثيمين ويقلد أفضل من يجده علما وورعا فإن تساوى عنده اثنان خير بينهما. Il suit celui qui a le plus de ilm, le plus de wara et si ils sont deux ou trois, ils ont le même niveau d'ilm, ils ont le même niveau fi al-ilm wa al-wara, fa il choisit. Et fil haqiqa, il demande et il prend le qawl et il insiste à demander et avec la preuve. Maintenant, est-ce que cette chose c'est halal? Oui, c'est quoi le délit? Est-ce que cette chose c'est une bid'a? Oui, c'est quoi qui nous prouve que c'est une bid'a? Ah, où il y a un khilaf? Certaines personnes ils font ça, d'autres personnes ils font ça. Yashir, c'est quoi l'avis le plus juste? Et demande des preuves dans le kitab ou dans le sunnah. Ah, il sera à la khair, inshallah. Qala, al-thani, deuxième cas, an yaqa' lil-mujtahid haditha taqtadi al-fawriya wa la yatamakkan min al-nazar fiha, fayajuz lahu al-taqlid hina idhin. Ay, un mujtahid, c'est pas un ami, il a les capacités, lakin, une affaire, une chose, absolument, il faut une réponse là. Ahyanan, tu es dans cette situation, tu dois faire telle chose ou telle chose. Imma pour un papier, imma une mu'amala, muhim, une chose. Et t'as pas le choix. Imma cette chose, imma cette chose. Imma passer par ce chemin ou par un autre. Fafiyad al-hal, t'as pas le temps de rechercher. T'as pas le temps de regarder c'est quoi la vie le plus juste. T'as pas le temps de tout ça. Fashir ibn al-Taymin, il y a qu'ul. Et il est capable de regarder فيها فيجوز له التقليد حين اذن في هذا الحال si tel cheikh il a donné cet avis s'il n'a pas le temps de regarder فما له الا هذا لكن on insiste انه ça après il peut faire les recherches là ça peut lui arriver une autre situation similaire ou pour un autre si lui apparaît un autre avis qui est plus fort qui est basé sur un délit, il est obligé de revenir au délit. Vous avez remarqué que tous les anwa' qui citent Cheikh Ibn Uthaymeen, il n'y a aucun ta'assoub. Cheikh Ibn Uthaymeen, il cite deux cas. Celui qui ne peut pas, il n'a pas le choix. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Un autre cas, c'est urgent. Il n'a pas le temps de rechercher. Il a les capacités, lakin dans ce cas-là, il ne peut pas. C'est urgent. Maintenant, il doit donner une réponse dans les minutes qui suivent. Il n'a pas le temps de faire les recherches de Tafiyad al-Hal. Comme a dit Cheikh Ibn Uthaymeen, lakin sans ta'assoub. Le but c'est le haq et revenir à Ahl al-Ilm, à As-Salafiyyin. Et s'écarter de Ahl al-Bid'a et al-Dhalal. Qala Cheikh Ibn Uthaymeen, wa at-taqlid naw'an, 'ammun wa khass. Taqlid de deux catégories, 'am, et général wa khass, spécifique. Fal 'am an yaltazim madhhaban mu'ayyanan يأخذ برخصه وعزائمه في جميع أمور دينه وقد اختلف العلماء فيه. Première catégorie, taqlid dans tout. Il choisit une école ou un cheikh et il le suit dans tout. قال فاختلف العلماء فيه فمنهم من حكى وجوب من حكى وجوبه لتعذر الاجتهاد في المتأخرين. Et ça c'est pas savoir. Certains ils ont dit que on devait suivre une école. Pourquoi? Parce que à notre époque il y a plus de mujtahid. On est obligé de revenir au mujtahid qui était à l'époque. Suivre l'école de l'imam Malik ou de l'imam Abu Hanifa ou de l'imam Shafi'i ou de l'imam Ahmed ou autre. هذا لا هذا c'est pas savoir. ومنهم من حكى تحريمه لما فيه من التزام المطلق لاتباع غير النبي صلى الله عليه وسلم. Et c'est ça le savoir. لأن dire qu'on peut suivre autre que le Nabi صلى الله عليه وسلم dans tout, on a ouvert une porte. Pourquoi ne pas suivre le Nabi صلى الله عليه وسلم? Et quand on peut pas, on applique كما قال شيخ العثيمين. On demande. Si on peut pas demander, فلا يكلف الله نفسا لا وسعها. نتوكل على الله, on fait du'a et on est obligé de choisir un avis, on le choisit, et si par la suite on s'aperçoit que c'est une erreur ou il y a un avis plus fort, enfin on revient. Amma, au départ, délaisser le sunnat de Nabi sallallahu alayhi wa sallam pour suivre un madhhab, fala. Qala Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, inna al-qawla fi wujubi ou inna fi al-qawli bi wujub ta'ati ghayr an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fi kulli amrihi wa nahyihi huwa khilaf al-ijma' وجوازه فيه ما فيه. نعم. كل يؤخذ ويرد من قوله الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اجمع العلماء على هذا. دونك شيخ الاسلام il a dit cet avis فيه ما فيه. Il est pas savab. Ça c'est clair. Donc تقليد dans tout. Et كذلك ce تقليد il est grave. لماذا؟ لان ça va couper les efforts de ce mu'min. Alors il faudra plus d'efforts pour rechercher la vérité. Pour s'efforcer à suivre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Là, ce que le madhhab il a dit, il le fait. Mukhalafa ou sawab. Ahyanan, c'est une mukhalafa wadiha. Et tu lui montres, il te dit, lakin le madhhab, un tel, ils font telle chose. Lakin tu lui dis, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a fait telle chose, il n'a pas fait telle chose. Ahyanan, il ne peut pas répondre et il n'accepte pas. Et ça, c'est grave. لأن الله عز وجل يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. On doit faire attention de ne pas contredire le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que a'immatul madhahib eux-mêmes ils appelaient à suivre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et Cheikh Al-Albani dans l'introduction de Sifat al-Salat il cite leur aqwal. Et la plupart d'entre eux ils disaient si ma parole elle contredit un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, délaisse ma parole. Ou ba'dahum il disait tu jettes ma parole contre un mur. Et annahum ils appelaient à suivre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. فنحن أئمة المذاهب أو غيرهم لأن العلم c'est pas restreint que sur les quatre imams. Là, il y a des imams qui étaient avant eux qui avaient plus de ilm, il y a des imams qui sont venus après eux. المهم نحن on cède des savants pour comprendre les textes, pas pour délaisser les textes comme ils font المتعصبة. فهذا c'est ça الحاصل في هذا. قالوا الخاص أي تقليد خاص أن يأخذ بقول معين في قضية معينة فهذا جائز إذا عجز عن معرفة الحق. On a expliqué dans les points précédents. C'est pas un taqlid dans tout, c'est dans certaines situations. Maintenant, il est pressé, c'est urgent. Ou dans une mas'ala, il ne sait pas. Il a fait tout ce qu'il pouvait et il ne sait pas. ففي هذا الحال كما قال شيخ ابن عثيمين لكن avec une condition, c'est de ne pas s'entêter. Et si on est conseillé, quelqu'un nous montre le haq, on est obligé de revenir au haq. قال إذا عجز عن معرفة الحق بالاجتهاد سواء عجز عجزا حقيقيا أو استطاع ذلك مع المشقة العظيمة إما يبقى إما يكون مشقة عظيمة. ففي هذا الحال لعله إلى معذور bien sûr avec tout ce que Cheikh Ibn Uthaymeen il a cité comme condition et précision. قال Cheikh Ibn Uthaymeen وبهذا انتهت رسالة الأصول الستة فنسأل الله تعالى أن يثيب مؤلفها أحسن الثواب هي شيخ الإسلام وأن يجمعنا وإياه في دار كرامته إنه جواد كريم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. رسالة نافعة. Six fondements شيخ الإسلام il les a cités pour démontrer الحق que ce soit في التوحيد أو في الاتباع. Et كذلك pour démontrer les ambiguïtés de certains et l'égarement de d'autres. Enfin, c'est une risale à nafia. Le premier fondement, Al-Ikhlas, le deuxième fondement. Al-Ikhlas, bien sûr, et connaître le shirk pour s'en écarter. Deuxième fondement, Al-Ijtima', et se rassembler sur le haq et s'écarter de la division. Le troisième fondement, obéir au gouverneur, fi ta'atillah, et ne pas se rebeller tant que c'est un musulman. Quatrième fondement, bayan al-ilm wal-ulama, et savoir c'est quoi l'ilm et c'est qui l'ulama, et ça c'est important. Hatta on connaît al-jahl wal-juhal, et on revient à l'ilm. Cinquième fondement, بيان الله سبحانه لأولياء الله وتفريقه بينهم وبين أولياء الشيطان connaître ce qui les awliya, les awliya d'Allah Azza wa Jal, différencier avec awliya al-shaytan, et bien sûr avoir le comportement aimer awliya Allah, etc. Et le sixième fondement qu'on a vu aujourd'hui, رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة, أي أنهم ils peuvent pas comprendre le Coran et le Sunna, donc ils sont obligés de suivre aveuglément. Et Cheikh Ibn Uthaymin nous a démontré al-haq fi hadhihi al-mas'ala. Nasallahu subhanahu wa ta'ala an yanfa'ana bima darasna wa an yuthabbitana 'ala al-haq hatta nalqahu innahu waliyyu dhalika wal qadiru 'alayhi walhamdulillahi rabbil 'alamin. Le prochain cours inshallah jeudi on commence cette risala miftahu dar as-salam bi tahqiq شهادتي الإسلام تين رسالة نافعة جدا de الشيخ العلامة حافظ الحكم رحمه الله un savant parmi les savants de la sunna. Il est mort il y a quelques années et inshallah on commencera à partir de jeudi. Il explique dans cette رسالة les deux shahadas, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Il explique le sens, les conditions. C'est une risala muhimma pour, inshallah, compléter les durus qu'on a fait. Al-usul al-thalat, al-qa'id al-arba'a, al-usul al-sitta. Et l'un, cette risala, on va se concentrer sur al-shahada faq. Et c'est muhim. Kadhalik, le deuxième dars qu'on fera, risala Ibn Abdul Barr, rahmatullah alayhi, al-farq, bayna al-nasiha wa al-ta'yir. Kadhalik, c'est une risala muhimma. Il explique la différence entre nasiha, se conseiller, et at-ta'yir, se critiquer injustement, s'insulter, s'accuser. Et ça, c'est muhim, il y en a kathir, mais les gens, ils mélangent. Certaines nasiha, des conseils, ils les prennent pour des accusations. Et ils refusent. Et kadhalik, les gens, des accusations, ils les appellent conseils. Enfin, le muslim, il doit différencier. C'est muhim. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit le din ou nasiha. Notre din s'est fondé sur le nasiha. Donc on doit savoir comment faire le nasiha et différencier entre le nasiha ou al-ta'n ou al-sab. Naktafi bi hadha al-qadr. Subhanak lahum hamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.